milango tana nuna simali boso deside kose ya mala kaka moye naliki oso kilika mbotuna kanda bae bisa yone kebataka motema moliki yo mingie mutaku kabe kubu yange milango mutanwa poso samu nange mekao isa situasyo elibala na biso lubana motema moliki yo mingie mutaku kabe kubu yange milango mutanwa poso samu nange mekao isa situasyo elibala na biso lubana Maia pio, mote mamonga, naebi nyoso baebi sakayo la sala mulu, lobo ya ma, mambo, mbali nanga mela maia pio, mote mamonga, naebi nyoso baebi sakayo la sala mulu, lobo ya ma. Yeah. Écoutez Nono Petit, Nono Monama, Aleli, Henri Bokande. Henri Bokande à Roblin. Oh, money, man, I'm not here. Rocky, say, I'm not here. Salud. sena makolo ye Baba nde kuyanga na yo ekosi mai lotie soki oliki ngali susute yebisa maona kufa na ngali bela soki nazangi yo na kati ya la vie yimia na molimo na nga presence na yo de belle nuance des jeunes du moment à Paris de gamme matériel Pisse maesu qui n'en zela l'obela nana yeba l'odie soki olingi nali susute yebisa maona kupana mali bela soki na zangi yona katia la vie mawa Je me présente là, puis fille mon fondé, fille mon fondé. Aïe, jalousie. Et quand il m'a la montée, ma loco la foule, y'a ma sama. Et ça y pose la bafou, la bouchon, y'a moulani. Sokio koko kakosa lisanga ite alodi Lobela nga ye na kupa na nga libela